Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, une histoire du jouet. Pourquoi tu veux une machine à coudre? Je voudrais coudre du linge à mes poupées. Un toutou. Est-ce que tu en as des toutous? Oui, mais j'en ai pas beaucoup. J'en ai rien que deux. Puis qu'est-ce que tu voudrais avoir comme toutou? Un Teddy Ruxpin. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a une cassette là, puis il parle. Qu'est-ce qu'il dit? Des choses en anglais pour apprendre mon anglais. Les enfants qui rêvent aux jouets qu'ils souhaitent recevoir à Noël, au fil des années, les jouets auxquels ils rêveront vont changer, mais leur envie folle de les avoir, ces jouets, restera, elle, la même et bien intacte. Et c'est sans compter tout l'effort que l'industrie du jouet va mettre, justement, à cultiver ses rêves et cette envie du joujou tant désiré. J'étais un petit garçon, plein de vie et de joie. Un jour que j'étais très gentil, mon père me rapporta un jouet extraordinaire, avec de gros yeux verts. Je l'ai pris dans mes bras, mais quand je l'ai posé par terre, il faisait zip quand il roulait, paf quand il tournait, paf quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne le saurai jamais. Ben moi, mon père, là, quand il était petit, ben il se faisait des arcs avec du bois, là, puis il pouvait pas faire grand-chose parce qu'il y avait pas vraiment de jouets. Il pouvait peut-être faire plus des choses avec la nature, comme des arcs avec des flèches en bois, là. C'est juste de la corde qu'il fallait acheter, des choses comme ça. Puis comment tu trouves ça, là? Aurais-tu aimé vivre dans ce temps-là, toi? Ben non, pas vraiment, parce que c'est vrai qu'à moi, ça m'en prend beaucoup pour que je m'ennuie pas. Si ce jeune garçon apprécie de ne pas avoir à fabriquer lui-même ses jouets, comme le faisait à l'époque son père, cet extrait nous montre bien combien le jouet comme objet a pu évoluer rapidement au cours des dernières décennies. Pour retracer l'histoire du jouet, mon invité est Guylaine Lemay, conservatrice au Musée McCord de Montréal, responsable des expositions de jouets au Musée McCord. Madame Lemay, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Commençons donc par les tout débuts. À quand est-ce qu'on peut dire voilà, c'est à ce moment-là que remonte l'histoire du jouet. Alors évidemment, c'est une question qui est difficile à répondre, auquel répondre. Bon, si on regarde la nature, on voit que tous les mammifères jouent, donc l'homme n'a pas été, a fait de même. On peut remonter à la préhistoire. On suppose que l'homme préhistorique devait jouer avec des jouets qu'il fabriquait avec les matériaux sur le terrain. Parce que l'envie de jouer, elle est là depuis que l'homme existe. Elle est là depuis que l'homme existe, depuis que l'homme est là sur la Terre. Mm-hmm. Et donc, parce que, comme je dis, on le voit dans la nature, tous les animaux jouent entre eux. Donc, à quand ça date? Bon, c'est ça. On suppose que c'est l'homme préhistorique, mais on n'en a pas de preuves, parce qu'évidemment, c'était des matières périssables. Mm-hmm. On n'en a pas retrouvé des traces. Par contre, à partir du néolithique, on a l'apparition de petits objets miniatures que l'on pourrait interpréter comme étant des jouets. Mais là encore, on n'est pas sûr à 100%, on ne pourra pas le savoir. Mais entre autres, dans le Jura, en France, on trouve des petites pirogues. Donc, se dit peut-être que c'était des jouets. Ouais. À l'Antiquité, là vraiment, on a des traces plus tangibles. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, on se rapproche, qu'on voit, en fait, c'est des jouets qui ressemblent dans certains cas, au nôtre. Oui, tout à fait. À partir de l'Antiquité, vraiment, les jouets ressemblent aux jouets qu'on a aujourd'hui. On retrouve des poupées, on retrouve des dinettes, des balles, on retrouve des toupies et des osselets, des jouets à traîner. Donc, les anciens moyens de transport, déjà là, c'était un jouet qui était très apprécié par les enfants. Il y a des apparitions qui nous surprennent aussi, parce que dans les vestiges historiques et archéologiques, on retrouve des objets et entre autres, on peut être surpris, mais le yo-yo existait déjà il y a 3000 ans chez les Grecs. On n'invente vraiment rien. Leçon de modestie. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant quand on voit l'histoire du jouet, c'est que les jouets, les classiques vont se perpétuer tout le long de l'histoire. On parle des milliers d'années, il y a certains objets qui vont se perdurer jusqu'à aujourd'hui et qui datent de l'Antiquité. Renaissance, c'est intéressant parce que, 16e, 17e siècle, le jouet commence à Le commerce, en fait, du jouet commence à s'organiser. C'est ça. Là, on commence à voir le développement d'une classe marchande et qui va produire et qui va distribuer à plus grande échelle des jouets évidemment qui sont faits en matière, généralement en bois. On peut d'ailleurs mentionner des grandes villes parce qu'à cette époque-là, on voit des grandes villes du jouet apparaître, entre autres Nuremberg en Allemagne. Je la mentionne parce qu'elle va rester vraiment la capitale du jouet pendant longtemps dans l'histoire. On produit des petites babioles, c'est sûr, qu'on vend dans des marchés où il y a même des colporteurs qui font du porte-à-porte et puis qui se baladent avec ces petits jouets-là. Mais on voit aussi l'apparition de jouets vraiment de luxe, des choses qui sont assez étonnantes. Et entre autres, la maison de poupée. Mmh. Alors, on pense maison de poupée, évidemment, on pense aux petites filles, aux petits meubles, mais la maison de poupée était un peu à la Renaissance, elle était inspirée des ce qu'on appelait les cabinets de curiosité. C'était des genres de petits musées où on exposait des objets très inusités. Et bien, ces maisons de poupées-là reproduisaient au détail près les intérieurs des grandes maisons aristocratiques, des palais et autres. Et les objets qui à l'intérieur de ces maisons-là, c'était littéralement des œuvres d'art qui étaient commandées auprès d'artistes de renom. Destinées aux enfants. Absolument pas. C'était un objet qui était destiné aux adultes et qui était très, très, très précieux. Et alors, quand on voit les contenus de certaines maisons de poupées, à cette époque-là, c'est vrai que c'est effarant. C'est de la faïence, de la porcelaine, de l'or, de l'argenterie, des meubles d'un très grand luxe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des jouets pour les enfants. Il y en avait quand même. La poupée, entre autres, la poupée va prendre beaucoup de popularité au XVIe et XVIIe siècle. Mais là aussi, on voit aussi apparaître des poupées d'un luxe extrême. Ah bon. Donc, des poupées qui sont vêtues de la dernière mode, des vêtements en soie, en satin, en dentelle, donc évidemment qui n'étaient pas accessibles à toutes les petites filles. Alors, Guylaine Lemay, quand est-ce qu'on quitte le monde artisanal? Parce que donc, déjà, à la Renaissance, on commerce, il y a un commerce du jouet, mais ça reste quand même des productions plutôt artisanales. Quand est-ce qu'on passe à l'étape industrielle, la production de jouets, mais vraiment à grande échelle? Ben, c'est ça. C'est donc avec l'industrialisation. Donc, il faut se dire que l'industrialisation, l'objet artisanal va progressivement être produit de manière mécanique dans des usines, ce qui fait évidemment aussi un peu baisser les prix. Et c'est à ce moment-là que on va commencer à avoir une mécanisation accrue de cette production du jouet. Début 20e siècle, dans cette ère industrielle, deux petites révolutions, des jouets qui vont être distribués, mais vraiment, les chiffres sont probablement astronomiques, le fameux mécano. Et ça, c'est les deux premiers gros succès de l'histoire du jouet. Et l'ours de peluche, si tard, l'ours de peluche. Eh oui, les gens pensent que c'est un objet qui date de longtemps, mais non, il ne date que de 1902. Donc, on va parler d'abord alors d'un ours. Le nounours, qu'on appelle le teddy bear, puisque c'est de là que vient le nom, ce qui a été nommé, d'après un personnage célèbre, pour ceux qui ne le savent pas, le 26e président des États-Unis, Theodore Teddy Roosevelt. Et alors, en fait, l'histoire veut que Theodore Roosevelt était un chasseur amateur, un grand chasseur amateur, et il voulait participer à une chasse à l'ours et rentre de sa chasse bredouille. Et donc, pour en fait plaire à ce président, on lui apporte un ourson attaché à une corde et on lui dit « Ben voilà votre ours, allez-y, tuez-le ». Et il le refuse. Et cette aventure-là va être reproduite dans le journal de Washington Post par un caricaturiste qui va faire un peu une caricature de ce geste-là. Et un an plus tard, on voit apparaître simultanément en Allemagne et aux États-Unis le fameux nounours qui fait son apparition et qui évidemment maintenant La même idée de donner un ourson en plus cette fois-là. Voilà, donner un ourson. Et puis le mécano? Alors le mécano, c'est pas un jouet nouveau en soi puisque c'est un, on le sait, c'est un jeu de construction. Les jeux de construction, ils existent déjà au 17e, 18e et 19e siècle. Souvent, par contre, ce sont des jeux qui sont en bois, qui sont en argile, en pierre. Ce que va apporter mécano, c'est la matière. Une matière qui est beaucoup plus flexible et qui a plus de potentiel. Donc, c'est le métal. C'est un jeu qui, on peut construire des grues, on peut même construire la Tour Eiffel, puisque c'était une des démonstrations qu'ils avaient fait lors de la sortie de ce jeu-là. C'est un jeu qui est inventé par Frank Hornby, un Anglais, en 1899. Et en fait, il a fait ce jeu-là pour ses enfants. Il voulait que ses enfants soient des ingénieurs mécaniques. Donc, c'était sa manière d'un peu pousser la chose. Il va faire breveter une première fois en 1901 son jeu. En 1907, il dépose la marque Mécano, parce qu'avant, c'était appelé Mechanic Made Easy, donc la mécanique facile. Et ce qui est intéressant, c'est que 8 ans plus tard, et c'est pour vous dire la popularité de ce jeu, 8 ans plus tard, Frank Hornby va écrire sa biographie qu'il va intituler « L'homme qui a gagné $1 million avec un jouet ». Incroyable. Donc, c'est pour vous dire la popularité. Ça s'appelle avoir du flair et un peu de chance aussi. Probablement, oui. Un peu de chance. Dans les années 20 et 30, on commence à associer le jouet à certains personnages célèbres. Mickey Mouse en 1928, Blanche-Neige en 1937. Plus tard, ce sera aussi le tour des super-héros. Audacieux et brave, fort et courageux, Captain Action se battra pour vous avec ses super-pouvoirs. Maintenant, chaque ensemble Captain Action contient une bague vidéomatique. Changez le masque et l'uniforme du Captain Action et envolez-vous avec Buck Rogers. Mettez à votre doigt la bague de Superman et combattez le crime avec l'homme d'acier. Changez de bague et combattez aux côtés du fascinant Spider-Man. Tuez le mal avec Tonto, Batman, Captain America, le Fantôme, Lone Ranger, Flash Gordon, Green Hornet. Sois motorifique, file avec la toute nouvelle flotte de camions motorifiques super puissants, ayant l'allure des gros camions de la route. Prends la route avec le Rugged Wrecker, le Mighty Mixer, le camion déchargeur qui fonctionne réellement, le camion incendie, le meilleur ami du pompier. Alors, il y a dans ces extraits de publicité, Guylaine Lemay, deux publicités. Il y a deux thèmes très, très forts associés à l'univers du jouet. Les personnages célèbres qui arrivent donc dans les années 20-30, qui seront associés au jouet. Et puis, toute cette idée, le camion de pompier, de miniaturisation du monde adulte. Ça, c'est très, très présent depuis très longtemps. Depuis la période, en tout cas, depuis le néolithique, au moins, depuis l'Antiquité, l'objet miniature a toujours existé. Que les enfants jouent à être des adultes, en fait, à reproduire c'est ça. Le monde. C'est le but du jouet. Le jouet sert à quoi ? C'est un outil de socialisation. C'est un outil qui va permettre de divulguer à les enfants des comportements, des tâches qu'on s'attend de lui, des manières d'être qui sont adéquates dans notre société. Et donc, on utilise différents jouets pour l'éduquer, pour l'aider dans sa socialisation. Et c'est quelque chose qui existe depuis des années. Puis ça, en plus, ça avait d'autres fonctions, puisqu'on utilisait aussi le jouet. Il y avait les jouets pour garçons, il y avait les jouets pour filles. Donc, il y avait les tâches qu'on associait aux filles, celles qu'on associait aux enfants, aux garçons. Et évidemment, les jeux qui étaient de mise pour ces deux, pour ces genres. Quand même. Et puis associer, c'est déjà l'ère du produit dérivé, probablement, mais associer un jouet à un personnage du petit écran, du grand écran, à Mickey Mouse, à Blanche-Neige, un personnage de livre, ça c'est très payant aussi. C'est très payant et en tout cas ça va commencer dès que ça sort et dès que ça se fait dans les années 30 parce que c'est évidemment à ce moment-là que l'univers de Disney d'abord. L'univers de Disney décolle. On va voir que c'est un mouvement qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui et qui est gagnant. Toutes les compagnies le font et d'ailleurs à un moment donné, les compagnies de films vont déjà d'office s'associer avec une compagnie de jouets en prévision de la sortie de leur film et de tous les produits dérivés qui vont en découler. La convergence avant l'heure. Oui. Dans le monde du jouet et des médias au sens très large. Deux jouets qui, on parlait au début du 20e siècle, la petite révolution mécano, ours en peluche. Autre révolution, celle-là nous amène aux années 50, Barbie en 59. Vraiment des jouets icônes. Barbie en 59, on y reviendra. Et Monsieur Patate en 52. Oui, croyez-le ou non, Monsieur Patate qui est un jouet... historique. C'est un jouet historique et qui est vraiment marrant parce que l'idée vient tout simplement de la table, de la relation de l'enfant avec la nourriture et je dois dire surtout avec la nourriture qu'il ne veut pas manger. Mm-hmm. Et c'est de là que vient l'idée de George Lerner qui pense à ce moment-là créer des espèces d'accessoires en plastique qu'on peut ficher dans le légume ou la nourriture qu'on n'aime pas et ce légume-là là prend office de tête. Donc, on lui mettait des nez, des yeux, des petits pulls, des chaussures. Et c'est la naissance de Monsieur Lapin, qui évidemment va être acheté par une grosse boîte, Hassenfeld Brothers, qui est maintenant Hasbro. Et en 1952, c'est la sortie de Monsieur Patate. Et ce qui est intéressant, c'est que Monsieur Patate sera le premier jouet qui sera annoncé dans une publicité à la télé. Ah bon ? Oui, et vous parliez de combinaison gagnante. Combinaison gagnante, en tout cas, pour Monsieur Patate, puisque l'année de la sortie de cette publicité, Hasbro fait un chiffre d'affaires de 4 millions de dollars juste avec Monsieur Patate. Et puis, le fameux cas de Barbie, on ne peut pas passer à côté. Écoutons d'abord un extrait d'une émission diffusée en 2009, Dimanche Magazine de 2009. L'analyse que fait de ce personnage, de cette poupée, en fait, Barbie, l'analyse qu'en fait Marie-Françoise Anquez-Mincent. Barbie est très, très ambivalente. Elle est femme-objet, c'est vrai, mais donc elle est dans cette tenue, ces vêtements roses, mais elle y fait sauter des coutures, hein, parce que certaines féministes, par exemple, la portent ou l'ont portée au nu. Pourquoi l'ont-elles portée au nu? C'est que Barbie ne se plie pas aux injonctions de la société. Barbie ne se marie pas. Barbie ne lie pas la féminité à la maternité. Barbie n'a pas d'enfant. Barbie a une activité professionnelle qui lui rapporte beaucoup et donc lui permet d'être une femme émancipée. Oui, elle est totalement affranchie des codes sociaux. Totalement affranchie des codes sociaux, mais je le disais, très ambivalente, parce que Barbie n'est ni maternelle, elle n'est pas mère, Barbie, et elle n'est pas enfant non plus. Alors, Guylaine Lemay, la question qui tue, sexiste ou pas, Barbie? Sexiste ou pas? C'est sûr que à l'origine, je vais peut-être vous expliquer un peu sa sortie, puis vous allez pouvoir voir un petit peu le côté ambivalent. Donc, Barbie, en fait, elle s'est inspirée d'une autre poupée, une poupée qui était produite en Allemagne du nom de Bild Lili. Et Bild Lili, la fameuse Lili, était conçue au départ comme un personnage de bande dessinée. Produit pour un journal, le Bild Zeitung, et qui était orienté vers les hommes. Et elle va d'ailleurs être transformée en poupée, et c'est les hommes qui achetaient cette poupée. C'était vraiment un peu, on l'achetait dans des bureaux de tabac et des choses dans ce genre-là. Et puis c'était une femme avec, je sais ça, c'est des courbes, une poitrine assez opulente, des jambes à n'en plus finir. C'était vraiment l'archétype de la pin-up. Alors là, rentre en jeu Ruth Handler, qui était la cofondatrice de la compagnie Mattel, qui va sortir Barbie. Elle faisait un voyage en Allemagne en 1956 et elle découvre cette belle Lily. Et elle pense, elle imagine alors de créer une poupée mannequin avec une collection d'accessoires, des vêtements et tout. Et elle va donner l'idée à son concepteur qui s'appelle Jack Ryan et qui va créer la Barbie que l'on connaît. Mais si on compare Barbie et Bild Lili dans ses proportions, même dans son regard, surtout au début, elle avait un petit regard avec un œil qui était sur le coin de biais, qui était un petit peu un symbole de soumission à l'époque, il se ressemble presque à la goutte. Donc, Barbie, au départ, est quand même une pin-up. Mais c'est vrai que dans l'évolution du temps, Barbie, elle va casser tous les stéréotypes de la femme de la famille, la femme à la maison. C'est vrai, Barbie ne se marie pas, Barbie a un copain, puis après elle n'a plus ce copain, donc il y a Ken qui apparaît, puis après il se sépare, il n'y a pas d'enfant, c'est ce que les autres personnages que l'on voit associés à Barbie, ce sont des frères, des sœurs, des cousines, des amis, elle va avoir aussi des rôles, donc des carrières, des carrières qui n'étaient pas très féminins à l'époque, donc on voit Barbie qui peut être médecin, Barbie peut être, elle est n'importe quoi Barbie. Bref, elle suit l'évolution du temps. Elle suit l'évolution comme les jouets, du de temps. Fait. C'est un peu le reflet de la société dans laquelle on vit. Voilà, ces jouets tout à qui fait. Se retrouvent dans les mains de nos enfants. Ce qui fait que le fameux jouet éducatif, au fond, il existait peut-être, je vous écoutais tantôt à l'époque du mécano déjà, mais il va se développer. Et surtout, toute une rhétorique autour du jouet éducatif va se développer. Un dernier extrait, ça va vous intéresser. Ça va probablement vous faire sourire un peu. On va écouter le président de Mattel Canada, Corrade Dorion, à l'émission Femmes d'aujourd'hui en 1976. Le but principal, je crois, du jouet, c'est d'amuser l'enfant. L'enfant qui va à l'école, qui étudie pendant 5, 6 ou 7 heures, doit à un moment donné relaxer. Alors, on fait des jouets. Il est entendu que les parents pourraient peut-être amuser les enfants autrement, mais les parents n'ont pas toujours le temps. L'intention qu'on a en achetant un jouet, c'est de tenir l'enfant occupé lorsqu'on ne peut pas s'en occuper nous-mêmes. À certaines périodes de la journée, il est impossible pour la mère de famille de jouer avec l'enfant. Elle doit préparer les repas. Elle doit... Souvent, la mère travaille à l'extérieur. Alors, quand elle arrive à la maison le soir, l'enfant doit s'occuper par lui-même durant une certaine période de temps. Si le jouet est éducatif, en plus de l'amuser, c'est bien. Mais on ne peut pas toujours bourrer le crâne de l'enfant à la journée longue. Alors, c'est intéressant. Ça peut nous faire sourire avec les oreilles d'aujourd'hui, ce commentaire, Guylaine Lemay, mais ça pose au fond la question fondamentale de l'utilité et la fonction du jouet et comment ça va évoluer, ça, au cours de l'histoire du jouet. Je crois que foncièrement, la fonction reste la même. Comme je vous en avais parlé, c'est quand même un outil de socialisation. Oui, il y a la fonction éducative qui entre en jeu et cette fonction éducative va évoluer avec l'évolution de l'enfance puisque il faut ne pas oublier qu'évidemment, jusqu'au 19e siècle, on ne considérait pas que l'enfant avait une enfance. L'enfant était un adulte miniature et tout le jeu ou le jouet était lié à son rôle qu'il allait avoir en tant qu'adulte. Ça va évoluer au 19e siècle, puisque là, on va découvrir qu'il y a une enfance qui est importante, qui est un moment privilégié dans la vie d'un enfant. Ça va être plus tard pour les classes populaires, parce que là encore, l'enfant est voué au labeur, il doit participer à la vie, à gagner du pain comme ses parents. Donc, pour les enfants de la classe populaire, c'est plus vers les années 1920-1930 qu'on va commencer à avoir ce temps de l'enfance pour les jeunes. Donc, toute cette période-là, c'est sûr que on le voit plus dans un rôle de former un adulte. Par la suite, c'est former un adulte et l'éduquer de différentes manières. Mmh. On va voir l'évolution quand même du jouet éducatif où là, on leur apprend l'alphabet, on leur apprend à écrire. Donc, oui, c'est vrai que le jouet éducatif va évoluer en même temps que la notion de l'enfance dans notre monde. Mais ce qui est drôle, et puis c'est pas une idée qui est nouvelle, c'est que déjà à la fin du 19e siècle, il y avait une sociologue, une éducatrice du nom de Pauline Kergomar qui avait dit le jeu est le travail de l'enfant. Et le jouet en est son outil. C'est sérieux être un enfant, dites donc. C'est dur d'être un enfant. Guylaine Lemay, merci beaucoup pour cette histoire du jouet. C'est un plaisir. Merci. Merci. Et je rappelle que vous êtes donc conservatrice au musée McCord de Montréal. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation, Caroline Morin et André Martineau à la recherche. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.